passe, de ce que tu crois, de tes nuits d'ivresse. Parle-moi de toi, de ce qui te gêne, de ce que tu vois, de ce qui te peine. Sans plus attendre, tu peux te répandre, tous tes mots tendres, je peux les entendre. Elle m'a dit j'aime l'amour, j'aime la vie, et je t'aime si fort. Elle m'a dit j'aime l'air autour, la danse des corps. Elle m'a dit j'aime le jour, j'aime la nuit, et je t'aime si fort. Elle m'a dit j'ai peur un soir que tu t'évapores, que tu t'évapores. Parle-moi de toi, de tes jours de pluie, de tes nuits sans voix, de tes nuits sans cri. Parle-moi de toi, de tes espérances, du noir que tu broies, de ce que tu penses. Sans plus attendre, tu peux te répandre, tous tes mots tendres, je peux les entendre. Elle m'a dit j'aime l'amour, j'aime la vie, et je t'aime si fort. Elle m'a dit j'aime l'air autour, la danse des corps. Elle m'a dit j'aime le jour, j'aime la nuit, et je t'aime si fort. Elle m'a dit j'ai peur un soir que tu t'évapores, que tu t'évapores. Elle m'a dit j'aime l'amour, j'aime la vie, et je t'aime si fort. Elle m'a dit j'aime l'air autour, la danse des corps. Elle m'a dit j'aime le jour, j'aime la nuit, et je t'aime si fort. Elle m'a dit j'ai peur un soir que tu t'évapores, que tu t'évapores. I've had no one to care.